Du jamais vu chez Delbeau Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbeau Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On va parler du deuxième tour des séries. Il y a eu le gala rondelle d'or. On va parler avec Phil Desgagné tantôt, qui devait sûrement être sur place également. Mais on va parler avec Michel Dugas, qui a été pendant plusieurs années la voix des Foreurs de Val-d'Or. On va faire le tour de la deuxième ronde des séries qui débute ce soir. Salut Michel! Salut Danny! C'est Michel. Avant tout, c'était le gala des rondelles d'or qui se déroulait mercredi soir à Québec. On a honoré plusieurs anciens joueurs également au Temple de renommée. Mario Tremblay qui a été choisi également. On a profité de l'occasion pour dévoiler le top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue de hockey junior du Québec. Et moi, j'aimerais ça savoir, Guy Lafleur. C'est sûr que j'ai jamais vu jouer Guy Lafleur. En partant, je peux pas me baser. J'ai vu sur des films et ainsi de suite, puis c'est des racontants. Mais il me semble que Mario Lemieux aurait pu battre Lafleur. C'est sûr qu'un ou l'autre, on est pas mal pris, là. Ben écoute, moi je pense que les deux sont dans une classe à part. Ouais. Sauf que la façon dont la Ligue junior majeure du Québec a procédé pour son 50e anniversaire, ça prenait un numéro 2 et ça prenait un numéro 1. Ouais. Ceux et celles qui ont vu jouer Guy Lafleur, dont je fais partie, dans ma très tendre enfance, disons-le, peuvent se rappeler que Guy Lafleur était vraiment avec la grosse machine rouge des Remparts de Québec au fin des années 60, début des années 70. C'était vraiment le joueur dominant là, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça a été la première grande étoile. Là. Puis, ben, on le voyait venir, lui, parce que même, ouais. Il avait participé au tournoi Pee-wee de Québec quelques années auparavant là, avec son équipe de Turceau. Là, puis, il était vraiment tête et épaule au-dessus de tout le monde. Ouais. Donc, qui a été choisi numéro 1. On aurait choisi Mario Lemieux comme numéro un, ça aurait probablement pas suscité de controverse non plus. Là. Non. C'est un puis un A. Dans mon livre à moi, pour avoir joué les deux, okay. C'est un et un A. Là. Mais bon, dans le format que la Ligue s'imposait, ça prenait un numéro 1 et un numéro 2. On a pris Guy Lafleur pour comme numéro 1. La seule différence peut-être, là, c'est que Guy Lafleur a gagné le Coupe Memorial, contrairement à Mario. Ouais, c'était justement ça ma question, Paul. Est-ce que tu penses que ça a joué? Écoute, peut-être que non, mais okay. Comme je te dis, là, ça s'est joué à pas grand-chose, s'il y avait, parce qu'il fallait qu'il mette un numéro 1 et un numéro 2. Là. Okay. Parce que ça a été quand même deux grands joueurs, là, non seulement dans la LHJMQ, mais également dans la Ligue nationale par la suite. Effectivement. 3-4, Crosby, Lafontaine. Lafontaine, maudit qu'il a été dominant. C'est sûr que c'était pas le même jeu encore, le même style de jeu. Mais probablement que Crosby a dévancé La Fontaine en raison, évidemment, qu'il était La Fontaine était un an, tandis que Crosby était quoi, 2 ans? Ça a dû jouer en faveur, ça, hein? Ben, c'est probablement le cas, parce que battre La Fontaine, la seule saison où il a été là avec le junior de Verdun, il a été vraiment dominant. Il s'est réveillé. Ça a été la révélation cette année-là. Là, on parle du début des années 80. Ça a été vraiment un des grands joueurs là, qui ont passé dans le circuit Courteau. Contrairement à Sidney Crosby, qui était là 2 ou 3 saisons, je pense, qui lui s'est rendu en finale de la Coupe Memorial. Ça a été quand même un des joueurs qui a contribué à la résurgence là, de l'Océanique de Rimouski, qui venait de finir son ère le cavalier Richards. Là, donc, ouais. Du côté de Crosby, évidemment, là, on a réussi à l'attirer au Québec, c'est un jeune de Nouvelle-Écosse. Donc, il y a probablement que ça qui a joué là, en sa faveur là, par rapport à la durée de vie dans la Ligue. Là. Effectivement. Donc, la deuxième ronde des séries débute ce soir. L'Océanique de Rimouski affronte Cap-Breton. Écoute, c'est deux équipes qui se connaissent pas du tout, hein. Je pense que c'était au mois d'octobre que la dernière fois que l'équipe de Serge Beausoleil s'est rendue au Cap-Breton. L'Océanique qui a remporté en 4 matchs, ça a pas été un vrai 4 matchs, je le dis. trois matchs. Ça a été cinq matchs et demi, je pense. Là. Il y en a un qui s'est rendu en quatrième prolongation. Effectivement, mais je peux te dire une affaire, c'est que ça risque... Il y a trois matchs qui ont eu lieu par un but. Ça aurait pu aller autant d'un bord comme de l'autre. Là. Effectivement, et pourtant, l'Océanique avait quand même beaucoup de gros canons. Là. Ouais. On parle évidemment d'Alexis Lafrenière, on peut parler de Jimmy Huntington, qui est un vétéran là, du côté des... d'Océanique. Devant le filet, sont quand même bien garnis avec Colton Ellis. Là. Mm. Bon, l'Océanique, personnellement, je vois pas comment les Screaming Eagles du Cap-Breton vont pouvoir battre l'Océanique. Mais évidemment, comme tu l'as dit tantôt, Danny, avec les Saguenayens, ça a été quatre matchs très serrés. Là. Ouais. Par contre, du côté Cap-Breton, on a quand même été chercher de bons joueurs, là, en début de saison, je pense à Mitch Balmus, entre autres, là, qui est un vétéran et qui a assuré une certaine constance là, au niveau de l'attaque. On a un très bon gardien en Kevin Mandolese, mais est-ce que ça annule l'effet Colton Ellis? Je ne pense pas. Mais personnellement, je trouve que ça va jouer derrière le banc. OK. Beausoleil. Serge Beausoleil est un vétéran. Mm. Rien qu'on parle qu'André Dumont, que j'ai bien connu à Val-d'Or, là, qui est un excellent coach, qui est pas un très bon enseignant, qui est peut-être moins stratège que Serge Beausoleil. Mais bon, ça risque de ça va être à voir. Là. Possiblement que Cap-Breton pourrait causer une surprise. Mais d'après moi, Rimouski, là, dans mon livre, ça va être en 5 ou en 6. Ça risque d'être assez court. Rouyn-Noranda contre Victoriaville, c'est la série que t'es le plus proche. Les Huskies contre... Oui. Les Huskies ont passé proche. Pas passé proche. On peut pas dire qu'ils ont eu vraiment la frousse, mais mettons que ça a été plus dur qu'ils pensaient. Ça a été une bonne leçon. Ouais, hein? Pour les Huskies. Ils se sont fait flatter dans le sens du poil pendant toute la saison, disons-le. C'est une équipe, et avec raison, c'est une équipe qui n'avait aucune faille, aucun défaut. Une défensive à toute épreuve. On avait une attaque dévastatrice. Deux excellents gardiens de but. Le seul endroit où il pouvait y avoir un problème, ils l'ont connu. C'est si tu rencontres un gardien de but en état de grâce. C'est ce que Justin Blanchette a fait lors du premier match. Ou si tu sombres dans l'indiscipline, ce qui est arrivé lors du match numéro 3. Donc, ce sont les deux matchs que les Huskies ont perdus. Et les deux seuls facteurs qui auraient pu contribuer à une défaite des Huskies, ben ils les ont vécu. Donc, ça va servir de leçon contre Victoriaville. Les Tigres sortent d'une série épuisante face aux Foreurs de Val-d'Or qui les ont vraiment poussés dans leur dernier retranchement. Victoire en prolongation lors du septième match dans une série de Homer. Disons-le, il y a personne qui a battu l'adversaire sur sa patinoire là, lors de cette série-là. Ce que ça veut dire, c'est est-ce que les Tigres vont être capables de venir en chercher une à l'arena des clients? Permettez-moi d'en douter. Donc, c'est une série où on veillera pas tard. Moi, je dis Rouyn-Noranda en 4, peut-être en 5. Ils ont tellement de bonnes équipes. Par contre, tu crois-tu à ça, Michel, le pic? Moi, j'y crois. Je parlais avec Jean-Paul Charlebois durant le temps que les Huskies avaient 25 victoires consécutives. J'ai dit oui, mais le pic, tu sais, regarde les Chevaliers de Lévis dans le midget 3. Le record vaut quoi aujourd'hui? Tu sais, à un moment donné, moi, j'y crois beaucoup à ça. Tu y crois-tu, toi? Oui et non. Ouais. J'y crois, mais dans le cas d'une équipe comme les Huskies, là, je pense qu'on est capable. C'est une équipe qui a énormément de profondeur. Là. Et ouais. Si jamais le premier trio décide de prendre congé, ton deuxième trio va remplir le filet. Si jamais, puis on l'a vu lors de la série contre Shawinigan, si Zachary Aymond connaît une mauvaise soirée, ben on a Samuel Harvey et inversement. Donc c'est vraiment une équipe. Ils ont tellement de profondeur là, que ça va être difficile de dire pendant toute une série. Oui, ils peuvent se faire voler un match ou deux, mais pendant toute une série, ça va être difficile. Puis en tout cas, ça va être une bonne série si jamais on se projette dans le futur avec les voltigeurs de Drummondville. OK. Drummondville, Sherbrooke, je m'en ai parlé, les voltigeurs, c'est une équipe qui on voit les experts ce matin dans le Journal de Montréal qui disent, eux prétendent également que ce ne sera pas. Ça va être assez facile. Ils ont une attaque redoutable avec Joe Veleno, Maxime Comtois et ainsi de suite. Ah, ils ont une grosse attaque, les Voltigeurs. Ils ont un bon gardien de but. On parle du jeune Rodrigue. Ils ont la défensive est pas mauvaise non plus. C'est les Voltigeurs auraient probablement été la meilleure équipe du circuit Courtois s'il n'y avait pas eu Lioski Drouin-Noranda cette année. Et encore, ce sont eux qui ont mis fin à cette séquence de 25 victoires d'affilée des Huskies. Donc, s'il y a une équipe qui peut donner une opposition à Drouin-Noranda au cours des séries, ça va être les Voltigeurs de Drummondville. Et malgré le fait que pour le Phoenix de Sherbrooke, on se ramasse en deuxième tour des séries, d'après moi, ça va s'arrêter là. On tente de créer une rivalité là parce que les deux équipes, pour avoir déjà habité à Drummondville pendant un certain temps, je peux dire, ça prendrait 40 minutes de se rendre à Sherbrooke. Là, il pourrait y avoir une belle rivalité, mais il y a tellement d'écart entre les deux équipes au niveau talent, au niveau qualité. Ce qui va être à surveiller au cours de cette série-là, ça va être des petites luttes de famille. Là. si on regarde ça, c'est Nicolas Gay, du côté de Drummondville, qui est un vétéran. Son petit frère Patrick joue du côté de Sherbrooke. Donc, ce sont ces petits affrontements-là là, qui vont être intéressants à voir. Okay. Et peut-être, on parlait tantôt là des gardiens de but. Va falloir voir du côté de Drummondville. Je parlais tantôt d'Olivier Rodrigue, là, mais qui est blessé. Et qui est en convalescence. En attendant, Anthony Maroney a été très bon, mais c'est sûr que c'est pas Olivier Rodrigue. Donc peut-être là qu'il y a c'est peut-être le seul facteur là, d'imprévu là qu'il y aurait dans ces jeux-là. Moi, je pense Drummondville en 4. Drummondville en 4. Et là, dans l'autre série, on a parlé tantôt du côté des Huskies de Rouyn-Noranda qui ont eu de la difficulté contre une petite difficulté contre les Cataractes. Là maintenant c'est les Moussets d'Halifax qui eux, les remparts et Patrick Roy les ont poussés jusqu'au septième match. Encore là, c'est une histoire de coach. Éric Bélieu est très bon, mais t'as Patrick Roy qui est dans une classe à part. Et c'est un peu là que ça s'est joué dans cette série-là. Mais comme le disait Jean-Maurice Bailly dans mon jeune temps, la crème finit toujours par remonter au-dessus de la bouteille de lait. Et c'est ce qui est arrivé avec les Moussets d'Halifax. Et ça aussi, c'est une série qui va leur servir de leçon, les Moussets, face à une équipe. Probablement l'équipe la plus énigmatique de ces séries-là, les Wildcats de Moncton. Okay. Les Wildcats, c'est une équipe jeune, une équipe talentueuse, à n'en pas douter. Je te nomme juste Jacob Pelletier et Mika Cyr. Et ils sont appuyés par un gardien qui était en mission contre le Drakkar de Baie-Comeau, Francis Leclerc. Est-ce que il va avoir le même niveau de motivation qu'il avait contre son ancienne équipe? Ça, c'est évidemment la grande question. Mais Francis Leclerc est un vétéran, c'est un gardien de 20 ans. Un gardien qui a appris à gagner, notamment avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut se dresser devant les Moussets d'Halifax, c'est bien lui, parce que encore là, du côté des Moussets, là, on s'est préparé en fonction du fait qu'on accueille le tournoi de la Coupe Memorial. Donc, on a un club pacté littéralement du côté d'Halifax. Les Wildcats pourraient causer des problèmes. Moi, je vois cette série-là aller à la limite des 7 matchs. Oh, OK, ça pourrait être... Hey, mais tu parles de Michel, tu parles de la Coupe Memorial. S'il aurait fallu que les Moussets échappent la série contre les Remparts, as-tu pensé 60 jours sans jouer? Ça aurait été... Il y en a peut-être que ça peut leur servir. Moi, je donne l'exemple des Cataractes de Shawinigan. Ouais. Il s'était pas fait sortir en première ronde, mais quand même en deuxième ronde des séries par les Saguenay de Chicoutimi, si je me rappelle bien. Oui, effectivement. À l'époque. Puis ils avaient quand même remporté la Coupe Memorial, là, le but mémorable d'Anton Zlobin là, en 2012 face aux Knights de London. Mais encore là, tu vois, c'est un couteau à deux tranchants, comme tu le dis, le 60 jours sans jouer, c'est sûr que ça devient emmerdant, mais en quelque part, il y a toujours le facteur de dire que si t'as des petits bobos, là, tu vas être bien reposé, là. Tu vas arriver en pleine forme. Là. Effectivement. Sauf que... Michel, est-ce qu'on peut se reparler vendredi prochain pour faire le bilan de tout ça? De ce qui se passe? Ben absolument. Ça va être palpitant, la deuxième ronde des séries, du côté de... De Ligue Junior du Québec. Michel Dugas, on se reparle bientôt. Michel Dugas qui faisait le tour du deuxième tour des séries dans la LHJMQ.